L'armée et le peuple coréen ont célébré le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Le 9 septembre, les habitants qui ont visité la place du Palais du Soleil de Kumsusan, sanctuaire suprême du Juche, où se trouvent conservés les corps embaumés du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il, se sont inclinés devant leur portrait souriant. Dans la capitale Pyongyang et dans les provinces, se sont déroulés les spectacles. Le même jour, à Pyongyang et dans les chefs-lieux des provinces, les villes et arrondissements, ont eu lieu les bals des jeunes étudiants.